André? Oui? Est-ce que tu serais prêt pour nos appels téléphoniques? On a-tu quelques appels? Ben, je pourrais aller voir... C'est concernant l'hippodrome là, qui est en vente. Là. On oui, sait c'est quoi ça, faire exactement. Avec le centre Ludoplex. Là. Le centre Ludoplex, cet éléphant, quelle couleur qu'on pourrait l'appeler? Blanc. Ouais, mais c'est pas un éléphant. C'est l'expression, l'éléphant blanc. Mais bon, en tout cas, ça fait assez dur. On va aller voir qu'est-ce que nos auditeurs en pensent. C'est des suggestions de quoi faire avec le Ludoplex. Donc, on commence ça tout de suite. Vous avez 20 nouveaux messages. 20. Moi, les cons, là, je vous dis ce qu'ils devraient faire avec le Ludoplex là, puis l'hippodrome. Là. Ben, ils devraient déménager le CHUM là-dedans. Ils ont déjà un bâtisse. Ils ont juste à changer tout ça un peu. Puis, ça ferait une belle place. Ouais, avec le Ludoplex, là, ben, ils pourraient faire un gros pâte à choux. C'est garant. Pâte à choux, là, ça fait longtemps que ça marche, là. Puis, je sais que ça pourrait bien marcher, là. Tu sais, ça marche depuis un bout, quand ouais. même, tu sais, c'est un institut à Trois-Rivières! Hey! Ben, c'est une bonne Shaoui, idée. Joue-tu à soir? Ah, il demande si Shaoui joue à soir. Moi, ce que j'aimerais qu'il fasse avec le Ludoplex, là, j'avais pensé avec ma femme de qu'il fasse un Walmart, un autre. Un autre? Il n'y en a pas tant que ça, là, dans le coin, il y en a juste deux. Hein? Ouais, les cons, là, moi et Pierre-Louis, on a pensé là, que. Votre idée de centre spatial, ah, là, ben, ça c'est une très bonne idée. Puis ça pourrait peut-être mettre la ville sur la map, là, hein? Ouais. Ça pourrait peut-être donner un peu pas de fou, prestige. Ça. Non! Hey! On veut estomper une Nordique à Trois-Rivières! Si on met les Nordiques à Trois-Rivières, c'est écœurant, on fait faire une grosse aréna, là! On met une glace là, par-dessus la piste, là, puis on fait venir les Nordiques 7! Moi, là, je pense ce que vous pourriez faire, là, vous pourriez faire un centre de poésie extrême, là, étant donné qu'on est la capitale de la poésie, le Festival international de la poésie, là, avec M. Bellemare, là, ben, il devrait se mettre à la tête de ça, là, puis faire un genre de centre de poésie extrême, là, où on pourrait faire des hybrides, là, artistiques, des genres d'installations, mais on pourrait grimper dedans des genres de murs d'escalade, là, puis des deltaplanes. En même temps, tu récites des poèmes, là, nus, dans la boîte, avec plein de trucs, mais vraiment extrêmes, là. Ah ouais? Mais dédiés à la poésie, là, ça serait écœurant, là. Moi, je vous le dis, Trois-Rivières, là, ça lui donnerait du hop. Oh, moi, flyer. Je pense qu'il devrait faire un patachou là-dedans. Ah. Moi, je vous le dis, la vie de ça, là, ils voulaient faire des condominiums pour les vieux, là, en avant, là. Mais ils devraient faire juste des condos qui remplissent cette chambre, là, puis qui mettent des vieux là-dedans. Ça va être payé en tabarnak. Oh, moi, je pense qu'ils devraient faire un patachou là-dedans. C'est sûr que ça marche. Ça fait longtemps que ça marche à Trois-Rivières, là. C'est l'idée qui revient, hein. La place, là, le patachou, là. Au B, là, mais qu'ils mettent un patachou dans les bords. Puis l'autre bord, qu'ils mettent un grec, là. Ce que ça prend là-dedans, là, ben c'est des... Ça serait genre une place, là, où c'est du Monster Truck, ben toutes les soirs. Toutes les soirs, tous les jours. Ça pourrait même être là, genre, de minuit à midi. Regardez toute la nuit, c'est écœurant. On veut du Monster Truck tous les jours. Puis des fois, il prend des spéciales de Dragster, là, puis du quart de mille, là, ça serait écœurant. Je fais cela, la patente là-dedans, hein? Moi, je vous le dis, ce qu'ils préfèrent avec le Ludoplex, ça, c'est une vraie bonne idée. Ils préfèrent la future gare pour le TGV. Ah, c'est pas fou, ça. Quand c'est-tu long, ils pourraient se dire que c'est moderne, c'est la bonté, c'est neuf, type, ouais. Tu as pensé à ça, monsieur le maire? Oui, monsieur! Oh, tabarouette! Mais il dit qu'on pourrait faire... Une grosse place de bingo! Oh, peut-être. On veut un nouveau bingo! Hey. Moi, je vais vous le dire, la meilleure affaire là-dedans, là, qu'ils mettent le boule puis qu'ils fassent un beau gros parking. Ben, j'en ai une maudite bonne idée. Ils pourraient faire une succursale de Turcotte, là, la scrap, là, le coin des forges, là. Ils pourraient faire une succursale en pleine ville, belle cour à scrap. C'est que c'est pas loin, mais chercher des pièces. Oui, je vous le dis, monsieur, ce qu'il devrait faire là, à la place du Ludoplex, là, dans la place, là, on va faire un beau cimetière. De toute façon, il y en a en masse dans ce coin-là, puis maintenant, on va en manquer de ça, là, parce que tout le monde, il va mourir encore. Ouais, mais bon, les courses de chiens, les courses de chevaux, là, mais moi, ce qui serait cool, là, à Trois-Rivières, là, c'est des courses de chats. con, continuez votre bel job! Ah, merci. Merci. Moi, je pense qu'un site d'enfouissement pour les déchets, ça serait vraiment la meilleure idée. Ah, moi, je vous dis ce qui est le best, ça. C'est un centre, là, de Monster Truck, là. Ça revient, le Patachou puis Monster Truck. Tout le temps. Je pense que c'est les meilleures puis idées. Les gars, ouais. Shop, on a pensé à ça, ce qu'il pourrait faire avec le Ludoplex, là. Puis nous autres, ce qu'on veut, c'est un bar de danseuse. Hey! Bar des nouveaux messages. Ah! Fin des nouveaux messages. Plein de bonnes idées. Ben, j'espère que M. le maire nous a écouté. Ben oui, parce que la gare pour le TGV, c'est pas pire, ça. Ben, je pense que le patachou, c'est ce que le monde veut le plus. Ben, je pense que c'est plus ça qu'on a besoin. On s'en un bon gros patachou. On s'en sacre pas mal des TGV, on veut un patachou. C'est de la poutine. Ben là, c'est une institution à Trois-Rivières, comme le monsieur le disait. C'est ça, là. TGV, les affaires européennes, on connaît rien là-dedans. J'aimerais un patachou, man.